Activité 19. 1. Oui, c'est Brigitte. Je suis avec Catherine. On mange. Est-ce que tu viens au concert samedi? Appelle-moi. À bientôt. 2. Salut, c'est Samuel. Je mange chez Amélie et on se demande comment s'appelle ton école de théâtre. Rappelle-nous. Merci. 3. Allô? C'est Lucie. Je suis à la caisse. Est-ce que j'achète de la viande pour ce soir? Appelle-moi vite. Bisous.